Exercice 9, page 140. A. Je vais lui dire. Transformer. Je viens de lui dire. B. Je vais lui donner. Transformer. Je viens de lui donner. C. Je vais lui demander. Transformer. Je viens de lui demander. D. Je vais le teindre. Transformer. Je viens de le teindre. E. Je vais le trouver. Transformer. Je viens de le trouver. F. Je vais le tutoyer. Transformer. Je viens de le tutoyer.